Bonsoir, rassurez-vous, ce n'est pas une émission de rap, c'est la machine à son. Eh oui, c'est les aléas du direct, des fois il y a des trucs en direct qui se passent étrangement. C'est comme ça, c'est pas très grave. Et en plus, l'émission précédente, si vous l'avez entendue, franchement, c'est très très intéressant. Unique radio show. Réécoutez, c'est juste avant la machine à son, donc ne tenez pas compte de ce qu'ils peuvent raconter en fin de leur émission. Écoutez l'émission, allez pisser et revenez, tac, c'est la machine à son. Alors ce soir, émission un peu particulière, bande à part. Et oui, le professeur fait bande à part. Alors je vous explique. Bon, déjà pour ceux qui ne savent pas, en théorie, je suis censé travailler avec quelqu'un qui s'appelle le professeur de la bicicletta. Bon, les anciens, ils en ont marre d'entendre, mais c'est comme ça, va falloir vous y faire. Il y en a pour des années encore. Hein. Et oui. Et donc, bref. Ce soir, le professeur de la bicicletta m'a dit « Ouais, ce soir, je fais bande à part ». En fait, ce qui lui est arrivé, c'est que pour la dernière émission, il avait acheté un 103. Mais évidemment, un 103 pourri, un 103 professeur de la bicicletta. Du coup, et rapidement, le 103 s'est avéré hors d'usage. Donc bon, et il a réussi à l'échanger contre un vélo d'appartement. Bon, je lui ai expliqué que ce n'était pas tout à fait la même chose dans le côté déplacement, mais il m'a dit « Non, non, il n'y a aucun problème, le vélo, ça ne me fait pas peur ». Bref, donc depuis, il est chez lui à pédaler pour essayer de sortir de chez lui. Mais il n'y arrive pas trop. Alors, heureusement, technologie moderne l'ont atteint, donc il m'a contacté pour vous expliquer que ce soir, il faisait bande à part, donc il a tout préparé, il m'a tout expliqué, où se trouvaient les trucs, ça n'a pas été simple à trouver. Et puis bon, voilà, on verra bien. Je ne suis pas responsable de ce que vous allez entendre ce soir, hein. C'est encore une fois le professeur qui, je sais pas, dans ses supputations extrêmes sur son vélo d'appartement, qui a imaginé tout un tas de choses fantastiques. Donc comme d'habitude, un petit nettoyage de cerveau, et puis après, on attaque dans le vif. A tout de suite. Allongez-vous. Ce qui me met en colère, c'est quand les gens se moquent de moi. Ce qui me met en colère, c'est quand parfois on me crie dessus pour des choses qui sont vraiment pas importantes. J'en ai marre qu'on me crie dessus pour rien, juste parce que je me décortique le nez. J'en ai marre, c'est nul, c'est dégoûtant, je l'accorde, mais c'est tellement pas important. J'ai insulté personne, je n'ai frappé personne, c'est pas grave. J'en ai marre, mais ils s'en foutent. C'est ça qui me met en colère. Je n'y comprends rien. Parce que j'ai senti une chaussette pour voir si elle était à moi. Je n'y comprends rien. Mon père aussi me crie dessus. Je veux des choses, il me dit non, j'en ai marre. J'en ai marre des contraintes, le conditionnement tous les lundis, les échauffements de théâtre, ce sont des contraintes tous les lundis, j'en ai marre. J'aime pas qu'on me dise il faut que tu dormes la nuit, il faut que ça s'arrête maintenant. Je n'aime pas non plus quand je vais dans un magasin et qu'il est fermé, ça m'énerve. Quand il y a un anniversaire à l'Hippopotamus, ils mettent la musique fort. Si je commande des huîtres au restaurant et que le serveur me dit « Désolé monsieur, il n'y en a plus !» Quand les gens se moquent de moi dans les centres commerciaux et qu'ils disent « Ha ha, ha ha !» Regardez, il fait fou, il sexy. Il secoue des mains. Alors je prends mon portable, je les prends en photo pour me venger, pour les emmerder. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. Il y a des gens qui disent que je suis fou. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. C'est ça qui me met en colère. C'est ça qui me met en colère. love me. You set my soul on fire. Every muscle in my heart is burning with desire. You know you might love me with desire. Oh, tell me this is fine. It doesn't take. Sans vous aime, rassurez-vous. Bon, ben, je pense que là, ça va. Vos ondes cérébrales, tous vos ennuis de la semaine ou des semaines à passer ont disparu. Et oui, c'est bien mieux l'amour réel que l'intelligence artificielle. Au revoir, les ordinateurs. Je suis l'homme de l'an 2000. Je suis sans problème, ma vie est facile. Je ne pense plus du tout. Nous avons un roi qui pense pour nous, c'est... Je suis l'homme qui n'a plus faim. Je ne comprends pas pourquoi les anciens avaient tant de plaisir à manger. J'avale des pilules qui sont fabriquées par... L'ordinateur. Quand je vais me promener, je ne vais jamais au hasard. J'ai une voiture téléguidée. L'itinéraire est fait avant mon départ. Ah. L'ordinateur. Pour les filles, pas de problème. Je ne perds pas mon temps à leur dire je t'aime. Tous les soirs, je dois aller chercher une fille qui chaque fois est sélectionnée par... Quand je pense aux arriérés qui ne pouvaient pas vivre sans amour, je vous dis qu'on est mieux de nos jours. Pour l'homme de l'an 2000, le bonheur parfait c'est... L'ordinateur. Nous sommes tous conditionnés à leur abat des cartes et la pensée. Nous vivons l'âge d'or, je vous le dis. Moi je ne pense plus, donc je suis vide. L'ordinateur. L'ordinateur. L'ordinateur. L'ordinateur. L'ordinateur. L'ordinateur. Gritaban en la pública plaza. Mis amigos, yo quiero que sea reina. Quiero ser reina. Ella reía y temblaba. Él hablaba a sus amigos de revelación, de prueba terminada. Il se tomé. Una contra el otro. Y claro que fueron reyes durante toda una mañana, donde las contundentes cortinas color carmín se revelaban sobre las casas. y toda la tarde, donde avanzaban hacia el lado del jardín de las palmas. Thank you. On guns dans Dargo. Comment allez-vous? Ah, je vois que vous, vous êtes BA. C'est bien, c'est bien, c'est très bien, comme dirait un ami à moi. Enfin, pas tout à fait un ami, mais j'aimerais bien qu'il devienne. Va savoir. De quoi je voulais vous parler, je ne sais plus. En fait, j'avais préparé tout un petit passage entre Al Capone et la suite, et puis évidemment, je suis parti dans un autre délire. C'est vraiment, bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est ça, le plaisir d'offrir, en fait. On oublie tout. Thank you. année, il a fabriqué tous ses cadeaux lui-même. Tous les cadeaux qu'il devait offrir lui-même. À son père, il a découpé une monture de lunettes en beaubois, des îles avec trucs sculptés. À sa mère, il a offert un bouquet de fraises des bois. À son fils, il s'enfuit un beau matin dans les bois de lunettes sous bois. A fait tomber deux ou trois arbres, les acier en petits morceaux. Les aciers en longs morceaux, il y en avait des fins, des gros. Il a coupé les branches, enlevé l'écorce, creusé l'intérieur. Ça fera des petits objets où on peut taper dessus. Où on peut taper dessus. Des trucs qui font tac tac, des trucs qui font tac. Machine à son, l'émission qui ralentit le temps, ralentit la vie. Vivez plus vieux grâce à la machine à son. Just a little spoon of your precious love. It's good enough. some of them dying about that. Well, everybody's fighting about spoonful, that spoon, that spoon, that spoon. Well, could be a spoonful of water, the desert sand. Well, just a little spoon of them 45 saved you from another man. A man lying about that, some old crying about that, some old dying about that. Well, everybody's fighting about spoon, oh, that spoon, that spoon, that spoon. Je vous ai bien surpris, hein, je pense, ce coup-ci. Vous n'attendiez pas une machine à son pareil. Eh oui, bande à part. Il a fait bande à part, le professeur, donc j'en profite pour nourrir un petit peu vos esprits de choses diverses et variées, un peu plus intelligentes que d'habitude. Heureusement qu'il ne va pas écouter, puisque là, il pédale sur son vélo d'appartement en espérant sortir un de ces jours de son appartement. de mes joues, la couleur fauve de mes yeux fous font de moi la veuve du hibou. Les vieux druides au regard mou viennent chez moi couper le hou, et leurs fidèles tombent à genoux, la face contre mes cailloux. Je suis la veuve du hibou. Choupou, caillou, genou. Je suis la veuve du hibou. Choupou, caillou, genou. Les paysans griffent la terre, et tout près poussent des calvaires, des églises en ruine debout cachent la veuve du hibou. Je suis la veuve du hibou. Choupou, caillou, genou. Je suis la veuve du hibou. Choupou, caillou, genou. Je suis la fleur des marécages, je suis la sainte des naufrages, je suis la joie du fossoyeur, je suis le rire du naufrage. Je suis la plus sombre pâleur. Choupou, caillou, genou. Je suis la plus sombre pâleur. Choupou, caillou, genou. Je suis la veuve du hibou. Je viens du plus profond des âges. Je suis la chair promise et sage de tous ceux qui rêvent debout. Qui marche et qui rêve debout. Choupou, caillou, genou. Qui marche et qui rêve de vous. Choupou, caillou, genou. Je suis la veuve du hibou. La grande pâleur de mes joues, les couleurs fauves de mes yeux fous font de moi la veuve du hibou. Je suis la veuve du hibou. Choupou, caillou, genou. Je suis la veuve du hibou. Choupou, caillou, genou. Je suis la veuve du hibou. Choupou, caillou, genou. Je suis la veuve du hibou. Choupou, caillou, genou. Thank you. voici comment s'achève la machine à son. Tranquillement, tranquillement. Donc ce soir, vous avez eu la chance et l'honneur, ou peut-être juste le plaisir, d'écouter Jacques Berrocal avec Café Mozart, Marie-Blanche Vergne avec La Veuve du Hibou, Alain Peters, Complainte pour mon défunt papa, Canet Hit, Spoonful, Sivien Chignan, très très bien ça, Sivien Chignan, Madagascar, ou Réunion, enfin, ouais, bref, Réunion, Madagascar par là, Nu Grand Soleil, fabuleux. Bill Jackson, Long Steel Rail, Prince of Wales, attendez, je suis perdu, excusez-moi, Prince of Wales Star, Al Capone, Albert Marker, Histoire d'offrir, et oui, Joël Léandre pour un demi-poulet, passé en 45 tours, c'était vachement intéressant en fin de compte, Hector Zazou, Royauté, Salvatore de, pas Dali, mais Henri Salvador, pardon, Beta Gamma, l'ordinateur, The Cramps, Love Me, Astérotypi, les fantastiques, le fantastique Stanislas, En colère, Viagra Boys Ain't Nice, et puis avant ça, des élucubrations du professeur. À la semaine prochaine, si on existe encore. I hear a